إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Avant de commencer, il serait bien de, inshallah, si vous pouvez vous regrouper au milieu, inshallah, et délaisser un peu les murs, sauf pour celui qui a des problèmes au dos. Bismillah. Donc, dans le cours de ce matin, nous avons commencé des questions-réponses avec Al-Sheikh, l'Allama Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, tiré d'un petit livre qui s'appelle Hiwarul Ma'alim, discussion avec un savant, concernant les problèmes des jeunes dans leur pratique religieuse à notre époque. Et nous avons vu la première, la deuxième et la troisième question. Et aussi la cinquième question que je voyais très important à aborder, mais alhamdoulilah, je pense que c'est bien de continuer avec les questions-réponses. Donc là, je vais entamer la quatrième question, puis après on entamera directement la sixième question. السؤال الرابع, quatrième question. لقد انتشر فكر جديد ورأي جديد وهو عدم تبديع من أظهر بدعة حتى تقام الحجة عليه ولا يبدع حتى يقتنع ببدعته دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى فما هو منهج السلف في هذه المسألة الهامة. La question dit, hein, il s'est répandu une nouvelle opinion qui est de ne pas rendre innovateur celui qui fait apparaître une innovation jusqu'à qu'on lui ait montré la preuve, jusqu'à qu'on ait discuté avec lui pour le convaincre de son innovation. Et aussi, jusqu'à qu'il soit convaincu lui-même qu'il est dans l'innovation, sans retourner aux gens du savoir et de la fatwa. Quel est le cheminement des pieux prédécesseurs sur cette question importante? Al-Jawab, réponse. البدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه من زيادة أو نقصان. Donc là, il nous donne la définition de البدعة, l'innovation. C'est ce qui a été inventé dans la religion alors que ça n'en fait pas partie, que ce soit en rajoutant ou en enlevant. من غير دليل من كتاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sans aucune preuve du livre d'Allah ni de la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. Comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui invente une chose dans notre religion alors que ça n'en fait pas partie est à rejeter. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود. وأما زيادة وكل ضلالة في النار فقد أخرجها النسائي بإسناد صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب. Et le prophète a dit, et attention, il y a toute nouveauté et aux nouveautés dans la religion, car toute nouveauté dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Et le Très-Haut nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur et ne suivez rien d'autre en dehors de cela, très peu d'entre vous se rappellent. فَالْبِدْعَةُ إِذَنْ إِحْدَاثُ شَيْءٍ فِي الدِّينِ مِمَّا لَيْسَ مِنْهِ. Donc l'innovation, c'est d'inventer, de ramener une chose nouvelle dans la religion alors que cela n'en fait pas partie. وَلَا تُعْرَفُ بِآرَاءِ هَؤُلَاء وَلَا بِأَهْوَاءِ هَؤُلَاء. Et elle n'est pas connue par l'opinion de certains ou la passion des autres. وَلَيْسَ الْأَمْرُ رَاجِعًا إِلَيْهِمْ. Et le sujet n'en revient pas à eux. وَإِنَّمَا الْأَمْرُ رَاجِعٌ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Mais c'est de s'en remettre au livre d'Allah et à la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. فَلَيْسَتِ السُنَّةُ مَا تَعَرَفَهُ النَّاسِ. Et la sunna, ce n'est pas les choses qui sont connues chez les gens. C'est pas comme ça qu'on reconnaît une sunna. وَالْبِدْعَةُ مَا لَمْ يَتَعَارَفُ. Et la bid'a, ce serait ce que les gens ne connaissent pas. Ce n'est pas comme ça qu'on distingue la sunna de la bid'a. En demandant aux gens, est-ce que ça vous le connaissez? Ils disent oui. Vous le reconnaissez? Oui. Donc c'est une sunna. Ça vous ne le reconnaissez pas? Non. Donc c'est une bid'a. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça la balance auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour distinguer une sunna d'une bid'a. أو السنة ما رضي بها زيد أو فلان. Ou alors de croire que la sunna, c'est ce que une telle personne, elle en est satisfaite ou une autre. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَكِنَّ إِلَى عُقُولِنَا أَوْ آرَاءِ النَّاسِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé nous en remettre à nos raisons ou aux opinions des gens. بَلْ أَغْنَانَا بِالْوَحِي الْمُنَزَّلِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Mais il nous a donné le moyen de pouvoir le distinguer avec la révélation qui a été descendue sur le messager صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فَالسُنَّةُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. La sunna, c'est ce avec quoi est venu le messager صلى الله عليه وسلم. وَالْبِدْعَةُ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ. Et l'innovation, c'est les choses que n'a pas ramené le prophète صلى الله عليه وسلم ni par ses paroles ni par ses actes. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الشَّيْءٍ بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ أَوْ أَنَّهُ سُنَّةٌ حَتَّى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et il n'est pas permis à une personne de juger une chose en disant telle chose elle est bid'a ou telle chose elle est sunna jusqu'à qu'il la présente au livre d'Allah et à la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. وأما إن فعله عن جهل وظن أنه حق وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَمَعْذُورٌ بِالْجَهْلِ. Mais s'il a fait cela par, il a fait cette action par ignorance et en pensant que c'était une vérité et on ne lui a pas montré la réalité de la chose, alors il est excusable pour l'ignorance. لكن في واقع أمره يكون عمله هذا بدعة. Mais ça ne change pas que dans la réalité, son acte qu'il a accompli est un acte d'innovation. ونحن نعامله معاملة المبتدع. Et nous allons nous comporter avec lui, nous allons être avec lui comme on se doit d'être avec l'innovateur. ونعتبر عمله هذا بدعة. Et nous considérerons son acte comme innovation. وننصح الشباب الذين يسلكون هذا المنهج ويحكمون على الأشياء حسب أهوائهم حسب أهوائهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يتكلموا في الدين إلا عن علم ومعرفة. Et nous conseillons aux jeunes qui suivent cette voie de ne pas juger les choses d'après leur propre passion, mais qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ne parlent dans la religion que sur un savoir et une connaissance. وَلَا يَجُوزُ لِلْجَاهِلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَنِ الْحَلَالِ والحرام والسنة والبدعة والضلالة والهدى بدون علم فإن هذا قرين الشرك. Et il n'est pas permis à l'ignorant de parler sur le licite, l'illicite, la sunna, la bid'a, l'égarement, la guidée, sans avoir la connaissance et le savoir. Car parler sans connaissance et sans science, c'est l'égal, faites de façon d'action, c'est l'égal du polythéisme. Il est lié au polythéisme. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et dans le sens du verset, Allah nous dit, certes, mon Seigneur a interdit les péchés apparents et cachés. Al-Fawahish s'est employé aussi pour la fornication, l'adultère. Mais ici c'est tout le mal et tous les péchés. Et le mal et la transgression sans aucun droit et que vous associez à Allah ce qu'Allah ne nous a pas permis, qu'il ne nous a pas autorisé et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. فَجَعَلَ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ فَوْقَ الشِّرْكِ. Et donc Allah dans ce verset a mis le fait de parler sur lui sans aucune connaissance au-dessus du polythéisme. Il a commencé par le moins pire des mâles, des mots, puis il arrive au shirk, et après le shirk, il a cité de parler sur Allah sans savoir. مِمَّا يَدُلُّ عَلَى خُطُورَتِهِ فِي الدِّينِ. Ce qui prouve son danger dans la religion. وليس الكذب على الله كالكذب على غيره. Et mentir sur Allah n'est pas comme mentir sur quelqu'un d'autre. وليس الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره. Et mentir sur le messager صلى الله عليه وسلم n'est pas comme mentir sur quelqu'un d'autre. قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. رواه البخاري. Le messager صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. وقال سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Et Allah, glorifié soit-il, a dit dans le sens du verset, et qui est le plus injuste que celui qui a menti sur Allah et qui a démenti la vérité après qu'elle lui soit venue, n'est-ce pas que dans l'enfer il y a un emplacement pour les mécréants. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أمور الدين والحكم على الناس إلا بالعلم والدليل والبينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il n'est pas permis à quiconque de parler sur les questions de la religion et de prendre un jugement sur les gens si ce n'est avec le savoir, avec la preuve, l'argument du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la cinquième question, on l'a déjà vue ce matin. As-su'al as-sadis. Question numéro 6. Ma hiya ad-dawabit ash-shar'iyya allati yuhafidhu biha al-muslim على التزامه وتمسكه بمنهج السلف الصالح وعدم الانحراف عنه والتأثر بالمناهج الدخيلة المنحرفة. Quels sont les moyens ou les limites religieuses? Quelqu'un a une traduction du mot d'abit? Paramètres. Ouais, quels sont, barakallahu fikum, quels sont les paramètres religieux qui préservent le musulman dans sa pratique religieuse et dans son suivi de la voie des pieux prédécesseurs, et de ne pas tomber dans la déviation, et de ne pas être attiré par les autres cheminements qui nous viennent d'autre part, et qui sont égarés. Al-Jawab, la réponse. Al-Dawabit al-Shar'iyya, tufhamu min majmu'i ma sabaq al-kalamu fihi. Les paramètres religieux on les comprend d'après, dans le contenu de ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire les réponses qu'il nous a données auparavant. وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْجَعَ الْإِنسَانِ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ الْبَصِيرَةِ. Et cela, lorsque la personne retournera aux gens du savoir, aux gens de la clairvoyance, يَتَعَلَّمُ مِنْهُمْ وَيَسْتَشِيرُهُمْ فِي مَا يَجُولُ فِي فِكْرِهِ مِنْ أُمُورٍ لِيَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمْ فِي ذَلِكَ. Il prendra d'eux le savoir, il apprendra chez eux, il leur demandera conseils et recommandations concernant tout ce qui trotte dans sa tête comme idée pour sortir de là avec leur opinion et leur réponse. ثانياً التروي في الأمور وعدم العجلة وعدم التسرع في الحكم على الناس بل عليه أن يتثبت. Deuxièmement, d'y aller doucement et de ne pas se précipiter sur le jugement concernant les gens, mais il faut qu'il soit sûr qu'il des fois les mots ils partent. يتثبت. Ferme. Non. Qu'il soit sûr des informations qu'il a et de ce qu'il a. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Dans le sens du verset, Allah nous dit: ô vous qui avez cru, si un pervers vient à vous avec une information, alors vérifiez-la. La vérification. Vérifiez-la de peur de juger des gens ou de condamner des gens sur une ignorance, puis vous allez le regretter. Après cela, vous allez regretter votre geste et votre parole. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, lorsque vous allez dans le sentier d'Allah, dans le combat dans le sentier d'Allah, vérifiez avant d'agir. Et ne dites pas à celui qui vous a passé le salam, qui vous a salué, tu n'es pas un croyant. Vous voulez par là un bien de ce bas monde, mais auprès d'Allah, il y a beaucoup de butins. Voilà, vous-même, vous étiez comme ça auparavant. Mais Allah vous a comblé de ses bienfaits en vous guidant, alors vérifiez. Certes, Allah est au courant de ce que vous faites. Vous aussi, c'est-à-dire, vous aussi, auparavant, vous n'étiez pas musulman. Vous aussi, vous étiez polythéiste auparavant. Puis Allah, de par ses bienfaits, vous a guidé à l'islam. Donc, cela, ne les condamnez pas avant vérification. Tabayyanu ay tathabbatu mimma balagakum. C'est-à-dire, vérifiez les informations qu'on vous a transmises. ثم إذا ثبت فعليكم معالجته بالطرق الكفيلة بالإصلاح. Puis, si vraiment après vérification, il s'avère que c'est vrai, essayez de corriger ou de soigner ce mal par les moyens qui pourront amener à la réforme et au bon changement. La بالطرق المعنفة ou بالطرق المشوشة. Non pas par des moyens de violence ou des moyens de perturbation. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: bashiru wa la tunaffiru. Rawahu Muslim. Et le prophète sallam a dit: faites la bonne annonce et ne faites pas fuir. Wa qala li ba'd fudala'i ashabi. Et il a dit alayhi salatu wa salam à des vertueux parmi ses compagnons: inna minkum la munaffirin. فَمَنْ أَمَّ النَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة. Et donc dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète a dit, il y en a parmi vous qui font fuir celui qui fait l'imam devant les gens, celui qui fait l'imam, qui fait l'office d'imam devant les gens, qu'il ne rallonge pas la prière, qu'il la raccourcit, car derrière lui, il y a le faible et il y a la personne qui est dans le besoin. Il y a la personne qui est dans le besoin. وعلى كل حال فالأمور تعالج بحكمة وروية ولا يصلح لكل أحد أن يتدخل في مجال لا يحسن التصرف فيه. Et en tout état de cause, les choses, on essaie de les régler, de les corriger avec sagesse et tout doucement. Et ce n'est pas une chose de bien que chaque personne croit qu'elle est capable de rentrer dans un domaine qu'il ne connaît pas et qu'il ne sait pas le gérer. وكذلك من الضوابط أن يتزود الإنسان من العلم النافع بمجالسة أهل العلم والاستماع لآرائهم. Et c'est pour cela, et parmi aussi les, j'ai oublié le mot, les paramètres, il faudra que je le retienne ce mot, et parmi les paramètres pour préserver la personne, c'est que la personne se doit de s'approvisionner dans la science bénéfique en s'asseyant auprès des savants, en écoutant leurs opinions. وَكَذَلِكَ بِقِرَاءَةِ كُتُبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Et de même, en lisant les ouvrages des pieux prédécesseurs, وَسِيَرِ الْمُصْلِحِينَ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّ وَعُلَمَائِهَا. Et en lisant les récits, les biographies des réformateurs parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté et leurs savants, وَكَيْفَ كَانُوا يُعَالِجُونَ الْأُمُورِ. Et comment eux corrigeaient et régler les problèmes et les choses qui arrivaient. وكيف كانوا يعظون. Et comment ils exhortaient. وكيف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Et comment eux ordonnaient le convenable et interdisaient le blâmable. وكيف يحكمون على الأشياء. Et comment ils donnaient un jugement sur les choses. وهذا مدون في سيرهم وفي تراجمهم. Et ceci, ces récits, on les retrouve dans les ouvrages concernant leur biographie et leur récit. وفي أخبارهم وفي قصص الماضين من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الصدق. Et dans les récits de ceux qui nous ont précédés parmi les gens du bien, les gens de la vertu, et les gens de la véracité. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Dans le sens du verset, et certainement il y avait dans leurs récits un enseignement ou des leçons pour les doués de raison. فالإنسان المسلم فرض من هذه الأمة. Et donc la personne musulmane est une partie intégrante de cette communauté. والأمة هي مجموع المسلمين. Et la communauté, c'est l'ensemble des musulmans. من أول ظهور الإسلام إلى قيام الساعة. Depuis la première apparition de l'islam jusqu'à que l'heure sonne. هذا هو مجموع الأمة. Voilà l'ensemble de la communauté. والمسلم يراجع سير السلف الصالح وأخبارهم. Et le musulman retourne vers la biographie, les récits des pieux prédécesseurs. وكيف كانوا يعالجون الأمور. Et comment eux géraient ou trouvaient une solution pour les problèmes. وهديهم في ذلك حتى يسير على نهجهم. Et aussi de voir leur guider et leur cheminement dans ces domaines-là jusqu'à qu'ils soient sur leur même chemin. ولا ينظر إلى أقوال المتسرعين. Et ils ne regardent pas, ils ne prêtent pas regard vers les paroles ou les opinions de ceux qui sont connus pour être pressés, qui s'empressent de parler ou s'empressent de donner des jugements. وأخبار الجهلة الذين يحمسون الناس على غير بصيرة. Et non plus les récits des ignorants qui ne font que alimenter les gens sans aucune clairvoyance. وكثير من الكتابات اليوم أو المحاضرات أو المقالات تصدر عن جهلاء Et beaucoup d'ouvrages aujourd'hui, et beaucoup de conférences, et beaucoup d'articles proviennent d'ignorants dans les questions de la religion. يحمسون الناس ويأمرون الناس بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. Ils alimentent les gens, dans notre langage, ils chauffent les gens, si on peut dire le terme, hein, et ils ordonnent les gens ce qu'Allah ne leur a pas ordonné, ni son messager, sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ كَانَ هَذَا صَادِرًا عَنْ حُسْنِ قَصْدٍ وَحُسْنِ نِيَّةٍ. Même si cela vient d'un bon fond, et il s'est fait avec une bonne intention. فَالْعِبْرَةُ بِالصَّوَابِ. Nous, ce qu'on va retenir, c'est la vérité. Est-ce que cette chose-là, elle est vraie ou pas? Et non pas, on va s'arrêter et on va s'attarder sur la bonne intention ou le bon fond de la personne. Ça, c'est une chose, mais cela ne légitime pas ce qui va suivre. Donc on se devra de regarder, est-ce que c'est conforme ou pas? Est-ce que c'est la vérité ou pas? وَالْحَقُّ هُوَ مَا وَافَقَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ. Et la vérité, c'est ce qui est en conformité avec le livre et la sunna. Amma an-nas ma'ada Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa innahum yukhti'un wa yusibun. Et les gens, sans compter le messager sallallahu alayhi wa sallam, en dehors du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tous ils peuvent se tromper et ils peuvent avoir raison. Fa yuqbalu as-sawab wa yutraku al-khata. On acceptera ce qui est vrai et on délaissera ce qui est faux. السؤال السابع. Septième question. لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة هذه الأيام مما يتطلب معرفة أهل العلم المعتبرين الذين يقومون بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب. فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وأشرطتهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في المهمات والنوازل وأوقات الفتن. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prétendants aux prêches, ce qui nous pousse à vouloir savoir qui sont les savants reconnus qui réellement dirigent la communauté et les jeunes de cette communauté vers la voie véritable et la voie du vrai. Qui sont les ulama dont vous nous conseillez de profiter de leur science, de suivre leurs cours et d'écouter leurs audios et de prendre la science d'eux et de retourner à eux sur les grandes questions concernant la communauté et les maux qui peuvent toucher la communauté, ainsi que les troubles. Al-Jawab, la réponse. Al-Da'watu ila Allah amrun la budda minh. Le prêche à Allah, l'invitation à la religion d'Allah, est une chose indispensable. Wad-dinu innama qama ala al-da'wati wal-jihad ba'da al-ilm al-nafi'. Et la religion, hein, n'a tenu qu'avec le prêche et le combat dans le sentier d'Allah après le savoir bénéfique. Illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Dans le sens du verset, sauf ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes œuvres, qui se sont conseillés mutuellement la vérité et qui se sont conseillés mutuellement la patience. فالإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته. La foi, c'est-à-dire connaître Allah سبحانه وتعالى avec ses noms et ses attributs et son adoration. والعمل الصالح يكون فرعا عن العلم النافع. Et la bonne action, la bonne œuvre n'est qu'une branche du savoir bénéfique. لأن العمل لا بد أن يؤسس على علم. Car la bonne action, l'action, l'œuvre, elle doit être fondée sur un savoir. والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتناصح بين المسلمين هذا أمر مطلوب. Et le prêche à Allah et d'ordonner le convenable et de conseiller. Le conseil entre les musulmans est une chose demandée. ولكن ما كل احد يحسن ان يقوم بهذه الوظائف. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut accomplir cette mission. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de pouvoir venir à terme de cette mission. هذه الامور لا يقوم بها الا اهل العلم والراي الناضج. Ces choses ne peuvent les appliquer que les gens du savoir et ceux qui ont yani le raisonnement qui est mûr. لأنها أمور ثقيلة مهمة لا يقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها. Car ce sont des choses qui sont lourdes, importantes, ne peut les prendre en charge que celui qui est fortifié, que celui qui en a la capacité. ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة. Et fait partie du malheur d'aujourd'hui que la porte du prêche est devenue une porte grande ouverte. N'importe qui entre dedans et il se nomme hein, comme quelqu'un de la da'wa. وقد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة. Et il se peut qu'il soit ignorant et qu'il ne sait pas faire ad-da'wa, le prêche. فَيُفْسِدُ أَكْثَرْ مِمَّا يُصْلِحْ. Et il fera par là plus de mal que de bien. مُتَحَمِّسًا يَأْخُذُ الْأُمُورِ بِالْعَجَلَةِ وَالطِّيشِ. Hein? Tellement qu'il est fougueux et qu'il a cette belle envie, hein, et ben, il juge et il essaie de régler les choses avec la précipitation. فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عالج وما قصد إصلاحه. Il viendra naître de cet agissement plus de mal hein, que de réformes qu'il aurait voulu, qu'il avait l'intention de régler. بل ربما يكون في من ينتسبون إلى الدعوة من لهم أغراض وأهواء يدعون إليها ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة. Et il se peut même que dans les prétendants aux prêches, il y en ait qu'ils ont des mauvaises intentions. Qu'ils ont des mauvaises intentions et qu'ils ont des passions hein, vers lesquelles ils appellent. Et ils veulent atteindre un but au nom de la da'wa et au nom du prêche. وتشويش أفكار الشباب باسم الدعوة والغيرة على الدين. Et ils perturbent les pensées des jeunes au nom de la da'wa et de l'amour et de la jalousie pour la religion. وهو يقصد خلاف ذلك. Alors que lui, en réalité, ce qu'il veut, c'est le contraire de cela. Quel inhiraf bi shabab, comme faire dévier les jeunes, wa tanfirihim an mujtama'ihim, et sortir ces jeunes de leur société, wa an wulati umurihim, et les éloigner de leurs autorités et de leurs gouvernants, wa an ulama'ihim, et de les éloigner de leurs savants. فَيَأْتِيهِمْ بِطَرِيقِ النَّصِيحَةِ. Il vient à eux en leur montrant que c'est un conseiller. Il veut le conseil. وَبِطَرِيقِ الدَّعْوَةِ فِي الظَّاهِرِ. Et il apparaît, c'est une apparence, qu'il est là pour le prêche الدعوة. كَحَالِ الْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ لِلنَّاسِ الشَّرْ فِي سُورَةِ خَيْرٍ. Comme les hypocrites dans cette communauté, qui veulent le mal pour les gens, mais sous l'image, une image qui est belle et qui est bonne. أَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا. Je vous donne un exemple. أصحاب مسجد الدرار. Connaissez Masjid al-Dirar? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le ramener, il arrivait à Médine pendant l'Hijra, l'immigration de la Mecque à Médine. Avant d'atteindre le lieu où il va habiter à Yathrib, avant qu'il s'appelle Médine, maintenant c'est tout c'est Médine. Mais avant il y avait Quba et à côté il y avait Yathrib. C'était deux localités. Maintenant Médine est grande et elle comporte aussi Quba. Et Quba, pour celui qui vient de la Mecque, il passe d'abord par Quba et après il arrive à Yathrib. Et à Yathrib qui est devenu Médine, on n'a plus le droit de dire le nom de Yathrib si ce n'est pour parler de l'historique. Et là-bas il a fait sa mosquée, alayhi sallam. Mais avant de faire sa mosquée, il a construit avec les habitants de Quba une mosquée, qui est la mosquée de Quba, qui est connue. Les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été faire une mosquée à côté. pour que le prophète ne reste pas avec eux et qu'il aille vienne chez eux. Et c'était une mosquée en réalité pour nuire à la véritable mosquée. Elle n'a pas été construite sur la piété. Et le prophète, sallam, il ordonnera qu'on la brûle et qu'on détruise ce lieu-là et que ce soit la mosquée de Quba. Et Allah lui interdit d'aller prier dans cette mosquée-là. Donc, d'apparence, et ça on va le voir, le chef va l'expliquer, d'apparence, on va dire quoi? Mais c'est un acte louable. Ils ont fait une mosquée. Mais l'intention, c'était pas la mosquée. L'intention, c'était la nuisance. Et cette mosquée-là, on l'a appelée comment? Masjid al-Dirar. Banaw masjidan fi surati wa al-zahir annahu amalun salih. D'apparence, l'image apparente, c'est que c'est un acte louable. C'est une bonne action qu'ils ont fait. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس أن يرغب الناس به. Et ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il vienne prier dedans pour que les gens aussi viennent. Quand ils vont savoir qu'il y a le prophète, ils vont venir aussi. ولكن الله علم من نيات أصحابه أنهم يريدون بذلك الإدرار بالمسلمين الإدرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى من الله سبحانه وتعالى c'est l'intention de ces gens les intentions qu'avaient ces gens et qu'en réalité ils n'ont voulu que nuire aux musulmans nuire à la mosquée de Quba qui est la première mosquée fondée sur la piété. وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ Et ils n'ont voulu par cet acte que diviser, faire scission dans le groupe des musulmans. فَبَيَّنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَكِيدَةَ هَؤُلَاءِ Et Allah a démontré la ruse de cela. وَأَنْزَلَ قَوْلَهُ Et il a révélé sa parole. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين Dans le sens du verset, et ceux qui ont pris une mosquée pour la nuisance, la mécréance et la scission entre les croyants et pour se rapprocher de ceux qui ont combattu Allah et son messager auparavant, et ils vont jurer, nous n'avons voulu que le bien. Et Allah témoigne que ce sont des menteurs. Ne prie pas dans ce lieu-là. Jamais ne prie dans ce lieu-là. La mosquée qui a été construite depuis le début sur la piété, c'est celle-là, la prioritaire pour laquelle tu pries dedans. Car s'y trouvent des hommes qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Allah témoigne des habitants de Quba, ceux de la mosquée de Quba, hein, de leur bienfait de ces hommes. يتبين لنا من هذه القصة العظيمة أن ما كل من تظاهر بالخير والعمل الصالح يكون صادقا فيما يفعل. Donc, on comprend, on déduit de ce verset, de ce récit, de ce grand récit, que ce n'est pas toute personne qui apparaît avec une apparence de bien, une apparence de bonne action, de bon agissement, qu'il est véridique dans ce qu'il veut. فَرُبَّمَا يَقْصِدُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ أُمُورًا بِعَكْسِ مَا يُظْهِرُ Et il se pourrait qu'en réalité, il veut autre chose que ce qu'il fait apparaître. فَالَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الدَّعْوَةِ الْيَوْمِ فِيهِمْ مُضَلِّلُونَ يُرِيدُونَ الْإِنْحِرَافِ بِالشَّبَابِ Donc, dans ceux qui se prétendent du prêche aujourd'hui, il y en a qui sont égareurs. Qu'ils viennent égarer les autres, ils veulent faire défier la jeunesse. وَصَرْفِ النَّاسَ عَنِ الدِّينِ الْحَقِّ Et les dévier. Dévier les gens de la véritable religion et faire scission dans le groupe des musulmans et les faire tomber dans la discorde et le trouble. Wallahu subhanahu wa ta'ala hadharana min ha'ula Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre ces gens-là. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Dans le sens du verset, comme je vous ai déjà dit, inshallah, pour plus de précision dans la traduction, vous retournez aux traductions du Coran. S'ils viennent à sortir, en parlant des hypocrites qui étaient au sein des musulmans, qui étaient dans la communauté musulmane, et Allah subhanahu wa ta'ala distingue et c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Et qui est le véritable croyant de celui qui ne fait qu'apparaître l'islam, alors qu'au fond, il n'est qu'hypocrite et c'est un ennemi de l'islam. S'ils viennent à sortir avec vous pour aller au combat, ils ne feront que vous ralentir. Et ils sont là aussi pour perturber les gens. Et ils veulent pour vous la discorde. Il y en a parmi vous qui les écoutent. Parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas. Il y en a, ils pensent que c'est des gens de bien. Et ils viennent à écouter. Et les paroles, elles rentrent. Alors qu'ils ne sont là que pour faire le mal. Et Allah connaît les injustes. فَلَيْسَ الْعِبْرَةُ بِلِنْتِسَابِ أَوْ فِي مَا يَظْهَرُ. Donc, on ne s'attardera pas seulement sur l'affiliation à la da'wa ou alors de ce qui apparaît. بَلِ الْعِبْرَةُ بِالْحَقَائِقِ. Mais on va s'attarder sur quoi ? Sur les réalités. وَبِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ. Et sur les conséquences des choses. وَالْأَشْخَاصِ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ لَلْدَّعْوَةِ يَجْبُوا أَنْ يُنْذَرَ فِيهِمْ أَيْنَ دَرَسُوا. Et les personnes qui se prétendent en étant des gens du prêche, il est un devoir de voir d'où ils ont pris leur savoir. وَمِنْ أَيْنَ أَخَذُوا الْعِلْمِ. Et d'où ils ont pris la science. وَأَيْنَ نَشَأُوا. Et où est-ce qu'ils ont passé leur jeunesse, où est-ce qu'ils ont grandi. وَمَا هِيَ عَقِيدَتُهُمْ. Et quelle est leur croyance et leur dogme. وَتُنْظَرْ أَعْمَالُهُمْ وَآثَارُهُمْ فِي النَّاسِ. Et on regardera aussi à leurs actions et aussi les traces qu'ils ont laissées auprès des gens. Parce que quelqu'un qui prêche, il laisse des traces. Mais subhanallah. Et on regardera quelle trace il a laissé dans son milieu, dans son entourage. ماذا أنتجوا من الخير. Qu'est-ce qu'ils ont produit comme bien. وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح. Et quelles ont été les conséquences de leurs actes comme réforme. فيجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم. Donc il est un devoir d'étudier leurs états avant d'être attiré par leurs paroles ou leur apparence. C'est un point qu'il faut, c'est indispensable. Et précisément dans cette époque où il y a beaucoup de prêcheurs aux troubles et à la discorde. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الفتنة بأنهم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a démontré, les prêcheurs de la fitna, qu'ils sont des gens qui proviennent de chez nous, de la même origine que nous, et ils parlent la même langue que nous. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma su'ila 'an du'at al-fitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur les prêcheurs qui amènent au trouble et à la discorde, il a dit: du'atun 'ala abwab jahannam man ata'ahum qadhafuhu fiha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ce sont des prêcheurs qui se trouvent aux portes de l'enfer. Celui qui leur répond, qui répond à leur prêche, ils le font tomber en enfer, qu'Allah nous en préserve. Sammahum du'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne les a nommés du'at, que c'est des prêcheurs. Fa'alayna an nantabiha li hada. Donc on se doit de faire attention à cela. Wa la nashudda fi da'wa wa la nahshid fi da'wa kull man habba wa dab. Et on n'entre pas dans la da'wa, dans le prêche, n'importe quelle personne qui viendrait. Wa kull man qala ana ad'u ila Allah. Et toute personne qui prétendra et qui dira: moi je prêche à Allah. Wa hadhihi jama'at ad'u ila Allah. Et ce groupe, il appelle à Allah. La budda min an-nazari fi waqi' al-amr. Il était obligatoire de regarder sur la réalité de la chose. ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات. Et de regarder aussi, c'est un devoir, de regarder bien convenablement sur l'état ou la réalité des personnes et des groupes. فإن الله سبحانه وتعالى قيد الدعوة بالدعوة إلى الله. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien délimité, a bien limité le prêche comme étant un prêche vers qui ? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى, Allah dit, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Dans le sens du verset, dit, voici mon chemin, j'y appelle à Allah. دل ذلك على أن هناك أناسا يدعون إلى غير الله. Ce verset prouve qu'il y a des gens qui prêchent à autre que Allah. Ils ne prêchent pas pour Allah. والله تعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار. Et Allah nous a informé que les mécréants, ils prêchent vers le feu. فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Et dans ce verset, et ne mariez pas, ne donnez pas vos filles, vos tutelles aux polythéistes jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. Et un esclave croyant est bien meilleur qu'un polythéiste, même s'il vient à vous plaire. Ceux-là prêchent vers le feu, et Allah invite vers le paradis et vers un pardon de sa part. Là, dans le verset, c'est pour montrer l'interdiction que les musulmans se marient avec les polythéistes. فَالدُّعَاتُ يَجِبُ أَنْ يُنْذَرَ فِي أَمْرِهِمْ. Donc les prêcheurs, on se doit de vérifier leur état. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدُ الْوَهَابِ رحمه الله تعالى عن هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. Et Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit concernant ce verset, dans le sens du verset, dit, voilà mon chemin, j'y invite à Allah. Il y a la précision, il y fait précision sur la sincérité. Car beaucoup de gens, même s'ils prêchent la vérité, eh bien, ils prêchent vers leur propre personne. Ils appellent en réalité à leur propre personne. السؤال الثامن ما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم. Huitième question, quels sont les aspects des savants qu'on doit suivre. الجواب, la réponse. أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحلوا بالعلم النافع وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. Donc les aspects des ulama, des savants qu'il faut suivre, ce sont ceux qui ont le savoir, ce sont ceux qui ont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui comprennent le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont habillés, qui se sont embellis avec le savoir bénéfique et de même avec les bonnes actions et les bonnes œuvres. الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الأمرين بين العلم النافع والعمل الصالح. Ceux qu'on doit suivre sont ceux qui ont ramassé, qui ont assemblé entre les deux choses, une science bénéfique et une œuvre, une bonne œuvre. فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه. On ne doit pas suivre un savant qui ne met pas en application son savoir. ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم. Et on ne doit pas suivre un ignorant qui n'a pas de connaissance. ولا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين العلم النافع والعمل الصالح. Et on ne doit suivre et prendre comme exemple que ceux qui ont rassemblé entre ces deux choses, le savoir bénéfique et la bonne action. وبالنسبة للذين يقتدى بهم في بلادنا ومن تؤخذ أشرطتهم هم كثيرون والله الحمد. Et en ce qui concerne ceux qu'on doit prendre comme exemple et qu'on doit suivre dans notre pays, là le cheikh il parle du royaume de l'Arabie Saoudite, qui est son pays, et qu'on doit prendre leurs audios. Ils sont beaucoup, walhamdulillah, ma'roufouna inda an-nas, ils sont connus chez les gens. La yajaluhum ahad, la al-badiya, wa la al-hadira. Personne ne les ignore, ni dans les villes, et ni dans les campagnes. وَلَا الْكِبَارُ وَلَا الصِّغَارُ ni les grands ni les petits هُمُ الْقَائِمُونَ عَلَى أَعْمَالِ الْفَتْوَى وَالْقَضَى وَالْتَدْرِيسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ c'est eux qui ont comme fonction de la fatwa, de répondre aux questions, la justice, ils jugent entre les gens, et l'enseignement et bien d'autres choses. وَالَّذِينَ عُرِفَ عَنْهُمْ الْعِلْمُ وَالتُّقَى وَالْوَرَعُ et ce sont ceux qui sont connus pour le savoir et pour la piété. وَعَلَى رَأْسِ علمائنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يا leur tête notre professeur notre cheikh عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى فإنه رجل من الله عليه بالعلم الغزير والعمل الصالح والدعوة إلى الله والإخلاص والصدق وما لا يخفى على كل أحد car c'est un homme qu'Allah a comblé de savoir, de grand savoir, et de bonne action, et de prêche vers Allah, de sincérité, de véracité, et ceci est connu de tous. وَهُوَ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ صَدَرَ عَنْهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ مِنَ الْكِتَابَاتِ وَمِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ وَمِنَ الْأَشْرِطَةِ وَمِنَ الدُّرُوسِ et, والحمدللہ, il a laissé derrière lui beaucoup de biens parmi les écrits, parmi les livres, et parmi les audios, et parmi les cours. وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ يُفْتُونَ فِي بَرْنَامِجِ نُورٌ عَلَى الدَّرْدِ de même les savants qui donnent des réponses, qui répondent aux questions dans le programme نُورٌ عَلَى الدَّرْدِ c'est une émission dans إِذَاعَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ qui est la radio du Coran, du Saint-Coran, qui est à Riyad en Arabie Saoudite. هَؤُلَاءِ أَيْضًا وَاللَّهِ الْحَمْدِ عُرِفَتْ عَنْهُمَ الْفَتَاوَى الصَّائِبَةُ et ces savants-là, ils sont connus pour avoir des fatawas qui sont véritables et des paroles bénéfiques وهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين et ils sont l'honorable savant عبد العزيز ابن باز ainsi que الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله وإخوانهم من أصحاب الفضيلة القضاة et leurs frères parmi les honorables juges connu لأنه لا يشتغل بالقضاء ويثق الناس به في دمائهم وأموالهم وفروجهم إلا من كان موثوقا بعلمهم car ne peut prendre cette fonction de justice et les gens ont confiance en lui en ce qui concerne leur sang, leur richesse et leurs parties intimes parce qu'il y a le domaine du mariage, il y a le domaine du divorce, hein, il y a le domaine des sentences que ceux qui sont reconnus pour leur savoir. Wa minhum al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Et parmi eux, il y a le savant, le Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Wa Sheikh Salih al-Aboud. Et le Sheikh Salih al-Aboud. Wa Sheikh Ali ibn Nasr Faqihi. Wa amthaluhum. Et leurs semblables. Et le Sheikh ramène certains noms à titre d'exemple. Inna ha'ula lahum juhudun fi da'wa. Wa al-ikhlas. Wa al-rad ala man yuriduna al-inhiraf bi da'wati an tariqiha al-sahih. سواء عن قصد أو غير قصد cela ils ont beaucoup d'efforts faits dans le prêche, dans la sincérité et dans la réfutation à l'encontre de ceux qui veulent faire dévier le prêche de son véritable chemin que ce soit volontairement ou non. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ceux-là ils ont de l'expérience et de la connaissance et ils connaissent les opinions et ils connaissent l'authentique de ce qui ne l'est pas donc il est un devoir de propager leurs audios et leurs cours Ashrita c'est les cassettes mais aujourd'hui les cassettes ce n'est plus d'actualité en général les gens ils ont des clés USB ils ont des CD et ainsi de suite. Donc je préfère dire le mot audio, comme ça vous comprenez. وأن ينتفع بها et qu'on en prend bénéfice. فإن فيها فائدة كبيرة للمسلمين car il y a un grand bénéfice dedans pour les musulmans. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ et tout savant dont ne connaît pas d'erreur. ولم يجرب عليه انحراف ici erreur, des erreurs graves, des erreurs qui sont importantes. ولم يجرب عليه انحراف السيرة أو الفكر et que non, on n'a pas connu comme quelqu'un qui a dévié hein, dans sa vie de tous les jours ou alors dans ses pensées, فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ عَنْهُ alors on pourra prendre de lui. السؤال التاسع question numéro 9 لَقَدْ تَفَشَّى وَرَعٌ بَارِدٌ بَيْنَ بَعْضِ عَوَامِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَهُوَ إِذَا سَمِعُوا النَّاصِحِينَ من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم وقد يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به وذلك دفاعا عن هذا الدين وكشفا للمتلبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة فما قولكم في هذه المسألة. Donc il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans une retenue qui est froide, donc comme il dit, une forme de retenue qui n'est pas bonne. La retenue à la base elle est bonne, mais là ce n'est pas dans le bon sens. Parmi les gens de la masse et les étudiants en religion, qui est lorsqu'ils entendent certains véritable conseiller parmi les étudiants en religion ou parmi les savants qui mettent en garde contre les innovations, les adeptes des innovations et les voient innover et qu'ils rappellent aux gens la réalité de ce sur quoi sont ces gens-là et parfois même il peut arriver qu'ils citent des noms et parfois des noms de personnes qui sont déjà décédées parce que les gens en sont attachés. Et ces conseillers ne le font que pour défendre la religion et pour dévoiler à ceux qui ont été endormis, si on peut dire, ou déroutés, hein, pour leur démontrer la réalité de la chose. Alors ils disent quoi? Ils disent non, ça c'est de la médisance interdite. Quelle est votre parole sur cette question? Al-Jawab, la réponse. Al-Qa'idatu fi hada, la règle sur ce point-là. التنبيه على الخطأ والانحراف والانحراف وتشخيصه وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص حتى لا يغتر بهم. Donc la règle dans cela c'est que on se doit de prévenir contre l'erreur, la déviation, la diagnostiquer et s'il le faut de citer le nom des personnes pour pas que les gens soit attaché ou suivre ces personnes. Wa khususan al-ashkhas alladhina 'indahum inhiraf al-fikr aw inhiraf al-sira wal-manhaj wa hum mashhurun 'inda an-nas. Et plus précisément, si c'est des personnes qui ont des déviances dans le raisonnement, dans les pensées, dans les idéologies ou alors dans le cheminement et qui sont connues auprès des gens. Et les gens pensent du bien de ces gens-là. Et ils ne savent pas la réalité de ce sur quoi ils sont. Il n'y a pas de mal à ce moment-là de citer leurs noms et de prévenir contre eux. وما قيل فيه من القوادح لا من أجل أشخاصهم وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et les savants dans le domaine de c'est une science qui est une science du hadith qui s'appelle al-jarh wa al-ta'dil qui est la critique et l'éloge, la critique et l'éloge. Et ils ont cité les narrateurs. Parce que vous savez, un hadith, pour l'atteindre, il nous faut une chaîne de narration. C'est la seule Oumma qui a ça. La seule communauté dans le monde qui a cette science, c'est les musulmans. Personne ne l'a. Personne n'a une chaîne de narration jusqu'à tel ou tel prophète. Subhanallah. Et nous, on l'a. Et donc, chaque nom. Et les ulama savent lorsqu'il manque quelqu'un. Subhanallah. Et c'est une des raisons pour laquelle le hadith peut être faible. Et les ulama, ici, ils ont cherché à savoir chaque personne quel est son degré dans la véracité ou dans le mensonge. Son degré, même si c'est quelqu'un de bien, de mémorisation. Est-ce qu'il arrive à répéter ce qu'il entend ou alors il se trompe, et ainsi de suite. Est-ce que ça lui arrive souvent? Est-ce que ça lui arrive peu? Puis, lorsqu'il rapporte après un tel, est-ce que c'est la même chose que lorsqu'il rappelle après un autre? Tous des détails, subhanallah, les ulama, ils n'ont rien. Pourquoi? Pour préserver la religion. Parce qu'à la fin, on arrive où? À la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une religion. Ce n'est pas à prendre à la légère. Et parfois même, ils ont dit, celui-là, on prend de lui avant que sa bibliothèque elle a brûlé. Parce qu'à ce moment-là, il avait ses sources et ce qu'il disait, c'était bien. Après, il n'arrivait plus à tout répéter convenablement. Parfois, un tel, on prend de lui jusqu'à tel âge. Après tel âge, ce qu'il a dit, non, parce qu'il n'avait plus la mémorisation comme auparavant. Des détails, subhanallah, impressionnants. Pourquoi? Pour préserver la religion. Donc, et ils ont cité sur les narrateurs tout ce qui a été dit sur eux comme critique. Non pas pour leur personne. Ce n'est pas pour faire du mal ou pour cette personne-là, non. Mais pour conseiller la communauté de ne pas prendre tout ce qui est rapporté sur la religion. Ou alors de tomber dans le mensonge à l'encontre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. فَالْقَاعِدَةُ أَوَّلًا أن ينبه على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة. Donc, la première règle, c'est de prévenir contre l'erreur, de montrer l'erreur, sans citer la personne. Si on craint qu'il y a un mal qui va en découler, ou alors on voit qu'il n'y a pas d'utilité à le citer. Il n'y a aucune utilité à le citer. أَمَّا إِذَا اقْتَدَ الْأَمْرُ أَنْ يُصَرَّحَ بِاسْمِهِ مِنْ أَجْلِ تَحْذِيرِ النَّاسِ مِنْهِ فَهَذَا مِنَ النَّصِيحَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. Mais si on juge, il est jugé qu'il est important de citer le nom de la personne pour que les gens soient avertis, alors cela entrera dans le conseil pour Allah, son livre, son messager, les gouvernants des musulmans et toute la masse des musulmans. Wa khususan idha kana lahu nashatun bayna an-nas. Et surtout si cette personne, hein, elle a un certain travail auprès des gens. Elle a un certain prêche auprès des gens. Wa yuhsinuna dhann bihi. Et les gens en arrivent à avoir une bonne pensée de lui. Et les gens en arrivent à posséder et à aller chercher ses livres et ses audios. La Buddha min al-Bayan. C'est indispensable de démontrer. Et d'avertir les gens de les mettre en garde contre. Car à ce moment-là, de se taire sur cette personne-là, c'est une nuisance pour les gens. Fala budda min kashfihi. Donc obligatoirement, il faudra le dévoiler. La min ajli at-tajrih aw at-tashahhi. Non pas pour le blesser ou pour prendre un plaisir en citant son nom. Wa innama min ajli an-nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Mais plutôt en tant que conseil pour Allah, son livre, son messager, les gouvernants des musulmans et toute leur masse. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.